pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Gangsta, attitude. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Gangsta, attitude. J'serais capable de te faire un deuxième coup de balle si la tension est palpable. Tu coules mais je reste causeur de troupe si t'es une carte. Ne me parle pas. J'ai mal ici malgré ce genre ne se passe pas. Si t'assumes pas tes classes de 30 balles, pose le micro et casse-toi. Street Master, les inarimes. Tu peux un nouvel icône. Là c'est 30 balles de l'industrie, de leur couille plein silicone. Demande à Daz, c'est les cartons. C'est les cartons. Viens pas test, t'as pas la lyrique sans tonne. La punchline à hématome. Tu peux pas contester la suite, même si t'as méprisé l'artiste. Mais viens pas dire qu'on a pas maîtrisé la street. Avec ton charisme, manque de piment. Si ton flow casse pas des briques, qu'on passe sur tes aides de merde pour faire du ciment. Mon équipe est pas dans la dentelle. 92 nord, sud, est, ouest, on béflant mortel. Libérer la rage contre l'enfer. Arrêtez de prendre des vessies pour des lanternes, on graille à long terme. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Street Master. Plaisanter, je suis pas la bourre. Yo. Gangsta, attitude. Yo. Ok. Plaisanter, je suis pas là pour raconter des salades quand les lascars courent, je suis pas là plutôt à laisser les cadavres dans la cour. Plaisanter, je suis pas là pour la musique colle à ma peau comme un bonjour. Ou un salam alaikum, ça part en couille, crouille si tu cherches des poules. Les patates feront le tour sauf si tu restes cool. Sauf toi si tu flippes, tu le faux quoi. Vénère que si on se croise, si t'es chaud, moi je suis le bronze froid que si on se croise. Ma gauche est dissipée comme Dominique Strauss-Kahn. Ritmaster, c'est l'équipe qui rivalisera la cause car on s'impose quoi. Un verre de sky avec du coca, de la coke. Dans le rap, j'manie le crawl quoi. J'manie les mots, style, nos limites. Tous les mecs arrêtent devant l'équipe car on élimine. Ennemi, la haine est mise en moi. Mon ami, j'ai mis des mines dans le mille bras. T'es dans ma ligne de mire quoi. Plaisanter, j'suis pas la bourre. Ok, hey, notre jeu, pas la bourre. Ok, ok. Plaisanter, j'suis pas la bourre. Gangsta, attitude. Enfant du crime, très tôt, pour manque de veto. Mon infanterie traîne sans rétrograde, tel de rouler sans rétrograde. Oui. Les taupes crient dans les caves, c'est l'heure de l'autopsie pour les paves. Hypocrite et roi, là où la mort se cuisine. Autopsie, brave le reste malgré fêlé ou mon coccyx. Mon train de vie et taf cru, c'est toxique. Le taux de crime élevé trop, mon récifice, bleu civil, nous cible, on récidive dans le deal, peace, crime. Surécrit ma haine, et qui est manuscrit en scratch, je crée. Car mon devoir est de procréer, je le fais, je crois bien, en tant bien que mal. En temps plein, je rime, tant bien que mal. Sur mon rive, une prose infernale. Parler peut tuer, mon franc parler, un rituel cruauté. Nautilus m'a tué, cette face peint sur le mur, c'est un frais. J'ai ôté la vue aux faces grotesques, négro test avec des tests pauvres. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Gangsta, attitude. Ya, mon flow te vexe, vends de la drogue toute la journée en stress. Plaisanter, je suis pas la bourre, même pas le temps pour un contre-ex. J'ai de la fraîche. Peu sum si pète, j'ai du bon son SY marron illness. T'es dans le gaz, t'as gobé trop de taz. Demande à Fedaz, nous on te baisse à la base. À l'arrivée la victoire, au fusil comme en Côte d'Ivoire. Street Master des Noirs, jeté à l'eau mais on a des nageoires. Veux pas finir, déménageur. J'ai de l'or dans mon casseur, des clasheurs dans ma banque. Tu veux te faire fumer à quelle heure? Dis-leur, dites-leur, dis le style fluide. M.A.R. au vouloir me tester, c'est trop stupide. Moi je kick dans la cave. Taro dans la cave, puis grave sur la place. Nègue, moi je te kill si tu me payes pas. A partir de 3000 E, mais à l'abri ta MIFA. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Gangsta, attitude. Ok. Direct je te ralentis avant même que tu démarres. Par la fenêtre tu t'écales, si je pénètre dans la salle. Pas de nouvelles, balance les faux dans la poubelle. Si leur clapet est ouvert, qu'ils avalent mes couilles pleines. Mon couplet t'a pointé, toi qui complotes en secret. Tu voulais que je me taise et te demande ton aide. Mais NEH 3 lettres, laissez pas d'escroquer. Tu crois gratter ma part mais tu vas le regretter. 92 kilos de rime sur le terrain qui nous drip. Team sublime qui supprime les écuries vraiment chim. Trop tu dans la machine, au punchline assassine. Dans le requin à l'usine, que les Yanclars hallucinent. C'est par ici pour la scission, pur son par tradition. Meurtrière et la pulsion, sévère et la punition. Dégâts et déflagration dans tes caissons. Pose pas trop de questions, Street Master invasion. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Gangsta, attitude. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Plaisanter, je suis pas la bourre. Gangsta, attitude.